60, 70, 80. 60, 70, 80. 60, 70, 80. Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je fais une interview pour Radio Campus. Je fais une interview sur les années 60 et 70. Est-ce que vous voulez répondre à mon interview, s'il vous plaît? C'est comme vous voulez. Est-ce que vous avez non, le temps d'y répondre? Non. Vous ne voulez pas? Non. Ok, il n'y a pas de problème, madame. Bonne journée. Voilà, madame n'a pas eu le temps de répondre. Oui. Bonjour monsieur, excusez-moi. Malheureusement, je suis en train de travailler. Mais... Ah, excusez-moi alors, je vous laisse. Si vous pouvez vous adresser à quelqu'un d'autre, ça m'arrangera bien. Ok. Excusez-moi madame, je fais une interview pour Radio Campus. Je fais une interview sur les années 60-70. Est-ce que vous auriez le temps de répondre à J'ai pas beaucoup de temps, justement. On part déjà et ça veut dire quoi comme question? C'est des questions que j'ai préparées comme ça sur Allez, dites un petit peu, si vous voulez. Bonjour, comment vous appelez-vous? Nelly. Nelly, que faites-vous dans la vie? Ben, je suis pensionnée maintenant. Oui, vous êtes pensionnée. Voilà. je m'en doutais un petit peu. Ben oui, hein. Ce sont les questions. Que pensez-vous des années 60-70 en général? Ah ben là, je dois dire que c'était du renouveau, hein. C'était quelque chose, l'émancipation... Tout se prêtait à acheter, on était bien. Merci. Y a-t-il eu des effets sur la société? Excusez-moi. Des effets sur la société? Oui. Ben, y a eu un développement commercial. Oui. Ça, c'est certain. Tout le monde achetait et tout le monde jetait ce qui était vieux et on mettait du nouveau. Au niveau de la mode, même au si, niveau de la musique. Il y a eu, à mon avis, l'ère américain est arrivé et voilà, et tout le monde était emballé. Oui, c'était certainement, économiquement, c'était certainement un grand développement. Et qu'en pensez-vous de ce changement économique? Aujourd'hui ou à ce moment-là? À l'époque des années 60-70. Je pense que... Ça apportait quand même beaucoup de choses, on était heureux, on avait du neuf. Moi, je pense que c'était une période assez euphorique. Vous l'avez bien vécu. Ah oui, oui, pour moi, ce sont de bonnes années. Je comprends. Moi je n'ai pas vécu oui. ces années-là, mais j'aime beaucoup ces années-là. Il y avait beaucoup de nouveautés, la musique était belle, voilà, c'était bien. Est-ce qu'il y a eu des différences entre les années 60 et 70, entre les deux décennies? Avez-vous vu des différences? Ben, peut-être que les gens s'installaient déjà bien. Hein, en 60, c'était timide, en 70, ça s'affirmait. Oui. Non, moi je crois que c'était encore le développement qui continuait. Mm-hmm. Et au niveau maintenant de la musique? Pour terminer, que pensez-vous des reprises des chansons françaises en anglais et vice-versa? J'aime bien. Vous aimez bien? J'aime bien. J'aime bien, oui. Bon, en anglais, je ne vais pas dire que... J'aime bien la reprise de ces airs-là, évidemment. Mm-hmm. Hein, ça rappelle le beau temps. Merci beaucoup, voilà, madame. Voilà, je vous en prie. Je Allez. Vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est monsieur ou madame? Madame, excusez-moi. Rien. Excusez-moi de vous déranger. Je fais une interview pour Radio Campus. Oui. Je fais une interview sur les années 60-70. Oui. Est-ce que vous acceptez excusez-moi, j'ai des problèmes pour m'exprimer. Est-ce que vous acceptez de répondre à mes questions? Oui, s'il s'avère que je sais répondre, bien sûr. Oui, ce sont des questions très faciles, très basiques. Allons-y alors. Alors, bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Brigitte. Brigitte, que faites-vous dans la vie? J'aide les prêtres des paroisses environnantes. Vous aidez? J'aide les prêtres. Les prêtres? Des paroisses environnantes et autres. Merci beaucoup, madame. Notamment dans des carmels aussi. Ah, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Alors, la première question, que pensez-vous des années 60 et 70 en général? Mais disons qu'en général, je vais vous répondre que, bon, ben, il y a eu beaucoup de changements, évidemment, par rapport à ces années-là. Et c'est-à-dire que si je dois parler en coût de vie, ben, disons que c'est peut-être l'équivalent d'aujourd'hui. Mais les années 70, bon, ben, ça rappelle un peu notre jeunesse quand même. Ben oui, justement, c'est pour ça que je me déplaçais vers vous. Vous avez vécu ces années-là. Oui. Donc, c'est normal que je vienne vers vous. Oui, voilà. Alors, y a-t-il eu des différences entre les années 60 et 70? Ben, je crois que oui. Et je dois dire maintenant, à comparer entre 60, 70 et 2013, il y en a. Il y en aura toujours. Ouais. Donc là, on ne sait pas dire d'être en dehors de cela, puisque malgré tout, on va de l'avant, mais il y aura toujours, ça c'est sûr aussi, oui. Ok, ça va. Et dernière question, puis je vous laisse, madame. Que pensez-vous des reprises des chansons françaises en anglais et vice-versa? Mais c'est pas mal, parce que je trouve que dans la population dont on vit maintenant, il doit y avoir pour plusieurs goûts, aussi bien pour les plus âgés que pour nous et que pour même les plus jeunes, dans l'ensemble. C'est très bien. C'est une bonne chose, en tout cas. Ben oui, ben, moi, je n'ai pas connu les années 60-70 et je peux vous dire que je raffole de la musique des années 60 et je ne suis absolument pas accroché à la musique d'aujourd'hui. J'aime entièrement les Beatles, les Who, enfin je suis un peu dans le rock des années 60 j'aime beaucoup écouter ces chansons là. Moi en tout cas ça me fait du bien de pouvoir le réentendre et d'écouter aussi les jeunes pouvoir chanter et s'exprimer à leur manière. C'est une façon aussi de montrer que dans la vie ben, on est chacun peut-être différent mais si on l'en pouvait dans cette différence pouvoir se rapprocher, je trouve que ça ne serait quand même pas mal non plus. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie. Merci, c'est Brigitte. C'est Brigitte. Oui. Merci beaucoup, Brigitte. Bonjour, je m'appelle Philippe. Oui. Comment vous appelez-vous? Si je vous dis mon prénom, il est dur à retenir. Hein. C'est pas grave. Adolorata. Adolorata, oui. Wow, ça vient d'où ça? D'Italie. Italie, de quel coin? La Sardaigne. Sardaigne, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comme travail. Je travaille chez Prémaman, qui est maintenant Orchestra. Orchestra. Voilà. C'est la même société qui a changé de nom? C'est plutôt Prémaman qui a été racheté par Orchestra. D'accord. Voilà. Voilà, nous travaillons pour Radio Campus, la radio de l'ULB. Oui. Je vous présente Sandro, qui va vous poser quelques questions sur les années 60, 70, 80. Qu'est-ce que vous aimez bien comme chanteur des années 80? Ah oui, bah plutôt le disco hein, dans les années 80. Disco. Oui, oui bah voilà, c'est ça, ça bouge, ça move et c'est toujours d'actualité en fait. Oui, oui. Voilà. C'est tout. Merci de ces coopérations.